Shoko Igarashi qui commence la sélection de la boîte à bordel sur le label Tiger Sushi. Alors juste avant, ouais, j'ai oublié de préciser le petit sample, c'était Eliane Radig qui était une des pionnières dans les synthés modulaires. Qui avait collaboré avec Pierre Henry, hein, voilà. Et donc c'était une mise à l'honneur de cette pionnière. Et voilà, morceau d'après et producteur suivant, Apollo Noir, une super découverte aussi parce que en fait je connaissais quelques artistes, mais le but de cette émission c'est que aussi pour moi j'aille explorer, mais de manière plus précise, enfin plus mieux quoi. Et donc Apollo Noir, qui s'appelle Rémi Sauzède, a sorti un album en 2017. C'est un Auvergnat, alors c'est assez marrant. Il s'appelle Apollo Noir en fait en référence au massif du Bois Noir, et puis aussi parce qu'apparemment il était aussi très fan de la conquête spatiale, donc il a fait un mix des deux. Donc il a composé cet album suite à ce qui s'est passé le 13 novembre, hein, donc au Bataclan. Et c'est un artiste voilà qui est assez intéressant parce qu'il a voilà ce côté un peu sombre, un peu expérimental, et ouais, je trouvais que c'était une belle proposition. Alors il a sorti donc en 2017 un album qui s'appelle A sur N, et donc je vais vous proposer deux morceaux. Alors le morceau c'est P.A.R.1.5 et le deuxième Deluxe Ace. C'est parti en... I'm sorry. Enfin, il est très bizarre, mais le morceau en entier est très intéressant. voilà, c'était Apollo Noir, un morceau qu'on vient d'écouter, il s'appelait Deluxe Ace, et juste avant, c'était Pi P4R15, sorti en 2017 sur un album qui s'appelait Asuren, je ne sais pas comment on dit autrement. C'est une fraction de lettres A sur N. Donc, à la suite de ces quatre morceaux. Nous en avons un autre d'un album suivant qui s'appelle Tiger Sushi Demo de 2000 à 2020. Alors, donc c'est un extrait que je vais vous passer, enfin deux extraits. Donc ce sont des morceaux en fait qui n'ont jamais été publiés par les artistes en eux-mêmes, on va dire, mais que le label a récupéré pour faire un album. Donc là, je vais vous passer un morceau de Dai, hein, qui est un artiste assez important dans le label, Juan de Guillebon, oui. Un petit peu ouais, électro-pop rock, j'aime bien cette ambiance. Et un autre morceau de l'album qui donc là c'est le morceau pardon de Dai, il s'appelle Tetsujin 28 Go, et ensuite ce sera Katrina Night for Day, qui est une artiste bulgare mais qui vit à Helsinki. Et voilà, et ensuite on ira dans de l'ambiance bizarre. Et on reviendra sur Dai, mais là, on part sur un truc un peu zarbi, hein, je vous préviens. Thank you. c'était Katrina avec un morceau qui s'appelait Night for Day, et juste avant Die avec D-Y-E. Bon, après ça se prononce pareil. Le morceau c'était Tetsujin 28 Go, sorti sur l'album Tiger Sushi Demo 2020. Puisque 2020. Après, il y a donc cette musique ambiante qui a été aussi mise à l'œuvre de, enfin l'œuvre à le, enfin le, comment on dit, ça a été valorisé hein, par le label, qui a été mise à l'honneur, voilà, musique ambiante française. Donc ça, c'est sorti en 2019, l'album volume 2, hein, parce qu'il y en a eu un volume 1. Mais enfin, là, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Cosmic Hole, d'un artiste qui s'appelle Abstraction, Harold Boué, de son nom d'usage sur sa carte d'identité. Alors, allons-y et partons dans un monde assez particulier de l'ambiance. Thank you. êtes bien sur Radio Dio. Et c'était la, enfin, c'est toujours la boîte à bordel. Et vous venez d'écouter un morceau ambiante qui vous amène à aller dans un autre monde normalement. Mais c'était Abstraction avec le morceau Cosmic Hall, sorti sur une compilation qui s'appelait Musique ambiante française, volume 2, en 2019. Ensuite, je vais vous passer un morceau, un autre de Die, qui a été très très, percutant hein, au niveau de mon évolution musicale. Et 2011, oh, j'étais à Paris en plus, oh là là là là. Et c'est le morceau Taki 183 sur l'album éponyme. Et voilà. Alors, on appelle ce genre, a priori, le Leadfield. Moi, j'ai du mal à cerner ce truc. Un peu atypique, en tout cas, voilà, je vous le partage. Ah. We'll be right back. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note avec Dai et Taki 183. Et après, j'ai un artiste qui s'appelle Matthias Zimmermann. Alors, il a sorti un album chez Tiger Sushi. Et puis après, il a été chez Tequila Tex, Sound Pellegrino. Et alors, pour trouver cet album, c'est très compliqué parce qu'en fait, il est difficilement référencé. Je ne sais pas. Il y a dû y avoir de l'eau dans le gaz entre les exclusivités ou je ne sais pas quoi d'autre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. 2012. Alors, Matthias Zimmermann, un Allemand qui est retourné en Allemagne d'ailleurs. Enfin, bon. Après, c'est la collaboration. Non, ça, c'est très... Non, je ne peux pas dire ça. C'est méchant. Mais c'est vrai, c'est comme ça musicalement aussi, ça marche. On ne va pas enlever un mot du dictionnaire juste parce qu'il y a eu une période de l'histoire. Où... Eh oui, et pourtant. Bon, Matthias Zimmermann. Thank you. ce petit sample de crapaud, c'était très beau. Mathias Zimmermann avec un morceau qui s'appelait Xoxi sur son seul EP de Tiger Sushi. Mountain Dub EP, voilà, sorti en 2012. Et ensuite, on a un bon français, un bon grenoblois, qui est très connu, d'ailleurs en Allemagne. C'est une petite vidéo sur Viva, très drôle, avec Miss Kittin, où on le voit en interview, il est complètement schlass, il répond, il est allongé sur Miss Kittin, c'est très drôle. Et elle est bien. Oh, attends, bon. C'est, voilà, et donc The Hacker, alias, comment déjà il s'appelle bref, Marie, oh, j'ai peur de décorcher son nom. Bref. Donc, bref, c'est le seul EP sur Tiger Sushi de The Hacker. Un album qui s'appelle, EP qui s'appelle Magical Voyage, Night Drive le morceau, sorti en 2012. Alors voilà, c'est The Hacker, quoi. C'est Italo Disco, c'est bien, moi, j'aime bien. Thank you. Voilà, The Hacker, avec un album qui s'appelait The Mountain. Non, rien à voir. Magical Voyage. Et le titre, c'est Night Drive. Je confonds avec Matthias Zimmermann, c'est mal. Et donc, c'est Michel Amato. Mais comment on peut se tromper ? Oh là là, les connexions neuronales, des fois. Et ensuite, on va aller encore, mais avec du texte. Et, peut-être que certains l'ont écouté, je ne sais combien de fois à l'époque. Mais je trouve que ce morceau, il est très drôle. Avec My Sister Klaus, Guillaume Tessier, en fait, qui a sorti en 2010 un morceau qui s'appelait Château Rouge. Et je trouve que ce morceau, franchement, c'est dédicace. CR, enfin bon, peut-être qu'ils écoutent pas ou peut-être qu'ils écoutent, j'en sais rien, mais dans l'hypothèse, on ne sait jamais. Dédicace au CR 18. Je vous connais qui va faire la tronche, mais bon, c'est pas grave. Private joke. Il y en a qui ont vécu là-bas et ont fait pas mal de choses. Allez, Château Rouge, Château Rouge, Château Rouge. Château rouge, château rouge, château rouge. Tout le cœur, tout le cœur, tout le cœur de se bouge. Poumons calcinés, pays de ténèbres, rêves assassinés. Ici n'est jamais l'air étonné. Rue de Léon Rémira passe sans t'arrêter. Le crack et le PCP, ce n'est pas dans les yeux qu'il faut. Château rouge, château rouge, château rouge, château rouge. C'est là que c'est chaud, mec. Une sacrée zone pour les jeunes blancs becs. Château rouge, château rouge, château rouge, château rouge. Le Mac, le dealer. Ici sont les rois. Misère et torpeur. Toujours aux abois. Château rouge, château rouge, château rouge, château rouge. Collapse en OD, contrefort de cette cité. Yeah, yeah. De Guillaume Tessier et ensuite incontournable, je pouvais pas faire sans Pony Oax avec un morceau de leur premier album éponyme qui s'appelle Budapest avec la chanteuse Olga Kouklaki. Bon, c'est classique peut-être, mais c'est bien. Thank you. Laponie Hawks avec le morceau Budapest sorti en 2006 sur leur album, le premier album éponyme de Pony Hawks sur le label. L'album entier est vraiment super bon quoi. Donc j'ai choisi un morceau qui est un peu électro, mais c'est vrai que le reste est un peu plus pop, mais c'est vrai qu'il est particulièrement bon. Ensuite, je vais vous passer un morceau de Joachim, le fondateur, enfin co-fondateur, avec un morceau qui s'appelle Find a Way sur l'album Nothing Gold, sur une année charnière, 2011, hein, puisque j'étais encore à Paris, deuxième année où je galérais. Enfin, voilà, quand on n'a pas de bourse et qu'on a envie de faire des études, etc. Enfin bref, 2011, une année charnière. Enfin, find a way, quoi. voilà, Joachim avec le morceau Find a Way sur un album qui s'appelait Nothing Gold, sorti en 2011. Et toujours dans la boîte à bordel, on va finir avec deux artistes, dont un qui est, enfin les deux même, de toute façon, la sélection en général, tous les artistes là, c'est vrai que je trouve qu'il est vraiment, enfin c'est sympa, du lourd, c'est pas mal, contribuer à mon évolution musicale. Et As We Fall est l'un d'eux. Je crois que cet album est, enfin, les autres, enfin, parce que là c'est un EP, mais en tout cas le morceau issu de cet EP, enfin, il y a eu un album où il a figuré et puis d'autres sur d'autres labels. Mais en tout cas, voilà, c'est très très puissant, je trouve, cette musique. Donc c'est Clément Vacher et Léo Elden. C'est sorti en 2006, Young Girls. Alors, il me semble que je l'avais découvert en plus en fouillant dans les médiathèques cet album par hasard, plouf plouf, et oh, ça fait du bien aux oreilles. Et c'était la période, en fait, c'était la pub Air France, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être, où il y a une piscine, où on voit, enfin, il y a un couple, alors il plonge et tout, puis, enfin, surtout elle, et lui, il est très musclé, et ça se longe sur. Le fauteuil qui est en fait un fauteuil d'un siège d'avion, et puis elle sort de la piscine et elle se rassoit à côté de lui parce que voilà, ils vont bientôt atterrir. Il y a une autre pub où on voit pareil. Enfin bref, voilà, donc c'était eux qui ont été à l'origine de cette musique, ou du moins, je sais pas si c'est les publicitaires qui ont fait appel à eux après avoir écouté, comme tous ces producteurs communicants parisiens qui s'inspirent de ce qui se passe en musique, voilà, parce qu'il faut fédérer le plus grand nombre par rapport à ce que tout le monde écoute, enfin toujours pareil, pour vendre le plus de trucs dont on n'a pas forcément besoin, enfin des voyages. Voilà, c'était une très très belle pub, hein. C'est vrai que des belles images, et d'ailleurs le vidéaste aussi, enfin le réalisateur, c'était Daniel Askill, et j'avais été très fan, parce qu'il y a une chaîne qui s'appelle Souvenir from Earth, je ne sais pas voilà, si vous avez la chance de la voir, parce que moi, comme je suis, c'est SFR Fibre, là où j'habite. J'ai pas la chance d'avoir cette chaîne, ou d'art vidéo, et j'avais découvert Daniel Askill sur cette chaîne, en l'occurrence. Enfin bon, bref, je raconte ma vie, mais on s'en fout. Alors, As We Fall, avec le morceau Young Girls, c'est vraiment très bon. Oh, good. là, c'était As We Fall avec le morceau Young Girls qui est sorti en 2006 avec la volée du stylo. C'est magnifique. Oui, je disais, j'écris parce que c'était très intéressant, que c'était un drop qui voulait dire quelque chose. C'est vrai que j'en peux plus de ces soirées électro où on a un drop, mais évident, tout pourri, et là tout le monde qui fait « Ouais !» Mais pourquoi il n'y a pas des gens avec des lance-roquettes pour tuer le DJ quand c'est comme ça? C'est pas possible. Comment, pourquoi on aime ce truc monté? Je sais pas qu'est-ce que ça procure comme sentiment de bien-être, mais moi ça fait l'inverse proportionnel. Donc bref, là, je voulais juste dire ça. J'en ai marre des drops pourris. Stop aux drops pourris. Voilà, je vais faire une affiche, moi, je vais défiler toute seule, je vais manifester pour dire stop au drop pourri. Merci. Voilà, c'était mon aparté du jour. Alors, après, je pouvais pas faire... mais je finis par eux, j'aurais pu finir par le fondateur, mais je finis par Principles of Geometry, parce que très sincèrement, eux, ils m'ont bien récuré les neurones. Ils m'ont récuré les neurones, j'ai pas fouillé. Vraiment, hein, dans le sens où leur musique, assez puissant. Et ils ont sorti en plus un album en 2022, d'où l'extrait que j'avais sorti dans je sais plus, c'était la nouveauté d'une émission précédente, où j'avais passé Command Control de l'album ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Donc c'est pas du tout symbolique, on n'est pas du tout sur des trucs ésotériques, rien à voir, mais bon. Et donc je vais vous passer un morceau, ça donc, s'appelle MQVist, et un autre album qu'ils avaient sorti, oui je sais que qui et qu'il c'est différent, hein. Voilà, bon après il y en a, ils le font pas exprès, hein. Et puis bon... ils n'ont pas été à l'école, malheureusement pour eux. Donc si toi, tu as été à l'école, arrête de te moquer de ceux qui font la faute. Ouais, ça aussi, ça m'énerve. Moi, j'arrête. Il faut dire, hein, voilà, que y en a qui ont ce privilège sur Internet, ah oui, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, de se moquer de gens qui font des fautes d'orthographe. Alors c'est très drôle parce que ceux qui font des fautes d'orthographe se moquent de ceux qui font des fautes d'orthographe. Puis il y a une espèce de truc égrégore négatif, mauvais. Et ceux donc qui ont des lacunes en orthographe, en plus, ont un complexe d'infériorité parce qu'ils n'ont pas été forts à l'école, forcément, et d'autres qui sont plus forts. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Quel monde. Voilà, voilà. Ah, bon, moi, je dis ma grand-mère est analphabète et en plus, elle parlait trois langues. Et elle parlait très bien phonétiquement. Et elle n'a jamais été complexée par ça, enfin, je pense. Mais il y en a vraiment maintenant, ils sont vraiment méchants. Hein. Méchants. Principles of Geometry, donc les principes de la géométrie sacrée, tout ça, les trucs un peu, voilà. Donc on va partir sur Golem avec l'album Lazare, où il y a dessus un featuring avec Sébastien Tellier, qui a un track un peu chaud qui s'appelle Mountain of President, A Mountain for President. J'adore ce morceau, mais bon, je dis, ça ne correspond pas à la ligne directrice de ce que j'ai envie de faire passer comme message inconscient dans la beauté de l'œuvre collective de ce label qui est Tiger Sushi. Bon, j'ai suivi. Thank you. On vient d'écouter deux tracks de Principle of Geometry. À l'instant, MQVist qui est sorti sur leur dernier album, ABCDEF, l'alphabet, donc en décembre 2022. Et juste avant, c'était leur précédent album, Lazare, qui est sorti 2010, un truc comme ça. Voilà, donc c'est la fin de cette sélection sur Tiger Sushi, et en général après c'est soit la nouveauté, donc c'est le jingle nouveauté, ou c'est le qu'est-ce que c'est, et là on va faire le qu'est-ce que c'est d'abord, et donc 22h10, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a hâte de savoir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? À fond. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Arnaud. C'est toujours du bien. Mmh. Ouais. Bon. Alors, dans cette rubrique, qu'est-ce que c'est ? J'ai opté pour un truc bizarre. Non, je rigole. En fait, c'est en fouillant sur les... Vous savez, les applications, il y a des réseaux sociaux, et bon, je suis abonnée à tout un tas de trucs. En l'occurrence, là, c'était publications sur musiques synthétiques, avec des synthétiseurs, synthwave, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc là, en fait, ils présentaient un artiste indien, qui s'appelle Charanjit Singh, et en fait, il est... à l'origine, sans le vouloir finalement, de beaucoup d'inspiration de la musique acide avec les synthétiseurs Roland. Roland 303 en l'occurrence. Et donc en gros, à la base, c'est un musicien, donc il est né en 40, il est décédé en 2015 d'un arrêt cardiaque en plus. Genre, il avait une gloire un peu sur le tard, parce qu'il a été redécouvert finalement en 2002 par des diggers un peu comme ça. Et du coup, je suis tombée sur une interview de lui par quelqu'un qui était fasciné par sa musique en fait. Et donc il a sorti en 1983 un album qui s'appelle Synthesizing Ten Raga. Donc c'est un peu les morceaux à la sauce indienne, un peu truc. Tout disco beat. Synthesizing Ten Raga tout disco beat. Et voilà, c'est un musicien qui vient de Mumbai et qui est compositeur à la base aussi de musique bollywoodienne, musicien de mariage, tout ça. Et j'ai vu que Sifax et Aphex Twin quand même étaient inspirés par sa musique, quoi. C'est rigolo. Alors du coup, je vais vous passer un extrait de cet album. Donc là, c'est le morceau 3 qui s'appelle Raga Bhairav. C'est sorti donc en 83 et il y avait un live aussi, mais bon, il durait 16 minutes, il ne faut pas exagérer, déjà qu'il était 22h13. Donc déjà voilà, Raga Bhairav de Charanjit Singh. Yeah, disco en plus, hein, à la sauce Bollywood, ça promet. Thank you. C'est étonnant, hein, ce petit morceau qui n'a rien à voir. C'est ouais, les accidents, apparemment, comme l'Italo Disco, ça n'était pas prévu à la base que ce soit enfin, qu'ils aient créé un genre. Il aurait peut-être pu créer un sous-genre, mais tout seul. C'est vrai qu'après, c'est ça le truc. C'est ça, je voyais aussi des gens qui vendaient des blocs, enfin des pour composer des plugins musicaux avec ben déjà une espèce de d'identité sonore pour composer le plus possible. Et là, c'était en l'occurrence Underscope, là, la Hard House. Donc en gros, voilà, on vous vend, enfin, vous achetez si vous avez envie pour composer pour les producteurs des sonorités, voilà, qui évoquent donc un genre musical. Et plus on est nombreux à composer ce genre musical avec ce package et qui est des sorties, des voilà, qui s'est écouté, acheté tout ça, et plus le genre va être mis en valeur. Et donc du coup, il y a des genres passés. Dans les années 90, là en l'occurrence, donc hard house, truc un peu. Oui, alors je savais pas que il y avait la cornemuse et un autre instrument qui était vachement utilisé dans les sons bonsaï. D'ailleurs, j'espère un jour réussir à faire cette sélection sans que ce soit trop dommageable pour. Les tympans. Et donc, bref, voilà, ils vendaient là de nouveau en 2023, donc ces packages de musique qui passaient en fait pour remettre au goût du jour avec un truc plus hard, plus dur, plus violent, plus rapide, plus. Ouais. Donc, bon, c'est intéressant. Et c'était quand Canel. Je ne sais plus comment elle s'appelait, ce qui présentait ce, voilà, via Underscope. Canel double clic, ah oui, c'est ça. Alors justement, donc, c'est encore un truc de chez Underscope là, que je vais vous présenter dans la rubrique des nouveautés. Ouais, je vais mettre Mark Pritchard quand même. Bon, j'aurais dû le mettre depuis tout à l'heure d'ailleurs. Juste parce que genre, il faut, c'est pour scinder, pour faire des cellules. Plac, plac. Qu'est-ce que c'est? Sélection avant, voilà, nouveauté. C'est bien rangé. Donc, je le fais monter en l'air. Même si plus trop souvent. D'ailleurs. Ça va mieux. D'ailleurs. Donc c'est en fait une artiste que je voulais présenter il y a deux émissions de ça et j'avais pas assez de temps, ou non, c'est parce qu'il y avait de la publicité déclenchée sur mon SoundCloud. Ouais, j'ai cité tous les réseaux sociaux, Bandcamp, si c'est bien Bandcamp. Et je sais pas, il y a d'autres trucs peut-être. Moi je suis pas Spotify, j'ai Deezer, malheureusement. Voilà, j'en ai deux, trois, apparemment. Je peux dire trois, je sais pas pourquoi. Brice Couder, le fameux producteur, enfin programmateur du moins de Feu Concrète et des soirées un peu où on sait pas trop la programmation sur Paris, là, avait mis en valeur une artiste que j'ai trouvée intéressante. Qui s'appelle Béatrice M et que, soi-disant, elle devait être dans la programmation de Positive Éducation. Alors, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Alors, peut-être qu'elle a un autre pseudo, vu qu'à chaque fois, ils changent de pseudo parce qu'ils veulent changer d'identité sonore, etc. C'est compliqué de suivre. Et puis de faire genre, je suis dans le coup. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus important, c'est être dans le coup, mais. Connaître la totalité de ce qui se joue ou bien de comprendre et ressentir parce que le but c'est quand même que ça nous parle à nous et parce qu'il y en a en soirée ils sont mal hein, j'ai l'impression que parce que ils comprennent pas ce qui se passe en fait en musicalement et déjà qu'en plus ils sont pas forcément là présents avec ce qui se passe dans leur cervelle avec les trucs machin. Donc, il faut vraiment, je trouve, c'est important quoi, quand on fait une soirée que psychologiquement, le maître de cérémonie, ils soient là pour les accompagner et pas pour les perdre avec des trucs archi violents. Enfin bon. Je libère la parole ce soir. Hein. Oh là là là là. Ouais, mais bon, peut-être que c'est toujours pareil. Ça part, on ne sait où. Enfin, tout ce que je me dis, c'est que le SETI a gardé les antennes avec comment dire, la volonté de capter des ondes radio. Donc c'est que les ondes radio ont quand même une force à travers l'espace. Ouais. Oui. Bref, donc oui, parce que Positive Education va faire une petite soirée ce vendredi soir. Alors, il commence à minuit et finit à 6h, sauf que samedi matin, j'ai des trucs à faire, et donc c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien y aller, parce qu'il y a Vel, une meuf de Paris, c'est pas mal, art techno, un peu des percus, un peu sauce, enfin, je dis pas brésilienne, mais une esthétique un peu comme ça, avec un peu genre psy-trans, un peu, enfin, toujours futuriste dans la nouvelle esthétique, voilà. Unspent, un mec de synthé, c'est pas mal aussi, techno-mélodique, un peu avec des kicks allemands, un peu bien froid. Et Antoine, un des cofondateurs du festival Post-Évaluation, donc ils vont faire cette soirée à l'Orbital Brewing, au stade Geoffroy Guichard, enfin c'est près du stade Geoffroy Guichard. Oh, c'est pas très cher, hein, 6 euros en pré-vente, 9 euros sur place. C'est toujours sympa. Et c'est vrai que le Positive Education, le 31 octobre et le 5 novembre. Et c'est vrai qu'il y a une programmation super sympa. Hein, où il y a des artistes que j'aimerais bien voir. Il va falloir que je pose des jours de congé, encore une fois, pour aller voir des artistes. Bah, c'est comme tout pour tout le monde, j'imagine. Mais chaque fois, c'est toujours une aventure. Que bon, il y a quand même une semaine. Enfin bon, mais il y a Object que j'ai envie de voir absolument. VT2S, oh là là. Et puis, plein. Donc bref, cette soirée, vendredi 8 septembre, hein, si vous avez envie d'y aller. Alors je m'étais dit, je voulais passer un petit morceau de... alors il y a Vel, c'était quoi le morceau que j'avais dit que je voulais passer? It's not sucre without you. Alors je vais le passer, hein, 3997 lectures, hein. Ouais. Let's go. c'était Vel qui donc a sorti ce morceau sur SoundCloud qui s'appelle It's Not Sucré Without You, et donc elle se produira vendredi 9 dans le cadre de la soirée Positive Éducation. Voilà, vous trouverez sur internet le lien de l'événement. Et donc je voulais vous passer Béatrice M avec le morceau Triforce, qui est aussi dans une esthétique assez futuriste toujours. Voilà, c'était sorti il y a 3 mois et voilà. Why would you need comfort? I didn't die. I was alone in the dark and at the king. Well, yes, yeah, sure. I think so. That's what you're saying. Still again. la Béatrice M. Je finis juste un peu brutos là parce que sinon ça s'enchaîne vu que c'est sur SoundCloud et puis j'ai peur des pubs parce que j'ai pas un abonnement sur SoundCloud. Voilà. Béatrice M, Triforce, sorti il y a 3 mois. C'est pas mal, hein, ce drop voilà, qui s'étend, qui prend le temps. Voilà, ça s'étire. C'est bon, voilà. Pour les aficionados de musique électronique d'il y a 30 ans, je sais pas. C'est une évolution musicale, hein, mais c'est. Je pense. Apprendre à apprendre ce qui est beau dans tout, hein, et c'est pas toujours simple. J'avoue que c'est une confrontation assez particulière. Voilà, il faut, je sais pas, il y a la subtilité dans ce. Il faut croire au futur déjà, je pense. À partir de là, peut-être que musicalement, on a envie de s'y plonger, quoi. Mais je trouve qu'il y a trop de choses, c'est trop noyé, c'est assez froid, ce côté trop digital. J'ai un peu de mal. Bon. Mais justement, voilà, il faut aller chercher dans tout ce qui est proposé la subtilité, la singularité qui fait que c'est original. Mais il y en a tellement que c'est très très long à défricher, quoi. Surtout, bon, moi je suis pas ça toute la journée comme certains, mais bon. Alors là, j'avais un autre morceau, mais je pense que je vais bien déborder, c'est pas grave, hein. C'est la rentrée, on sait pas l'impermanence des choses, demain tout peut exploser. Bon, il y a rien à part les bandes, et je pense pas qu'il y ait des missions qui soient rediffusées après moi, donc ce n'est pas grave. Du coup, alors, il y avait Dead Fader que je voulais vous passer, mais c'est un morceau un peu long. Et il y a Nomenclature et Adrian Mars. Donc je vais passer Adrian Mars feat Diana Berti avec un morceau qui s'appelle Panoramic Fest sur un album qui s'appelle Crystal Ball Vision. Donc c'est un peu, il vient de Barcelone. C'est un truc, un genre space disco italo. Oh, bon, c'est la fin de l'été, on aime bien l'Italo Disco. Et c'est sorti en 2023 dans, je ne sais plus les labels, je n'ai pas regardé là pour le coup. Je cherchais de l'originalité. We'll be right back. We'll be right back. Voilà, c'était deux petits morceaux enchaînés avec juste avant, enfin là tout de suite, pardon, autant être logique, Tension par Artronix, c'est un artiste belge, Arne de Meyer, et c'est sorti là en août 28, enfin en août 2023, sur un EP de deux titres, Soulless et Tension. Et juste avant, c'était Adrienne Mars, fille de Diana Berti, Panoramix Forest, le morceau, sur l'album Crystal Ball Vision. Alors, il reste presque... Bon, autant aller jusqu'à 23h. Si c'est 23h, non, il n'y aura pas plus. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques petits trucs. Alors, nomenclature, hein, je vais finir là-dessus. Tant pis, on n'aura pas Dead Fader. Alors, Dead Fader, c'était un artiste allemand que je voulais présenter. Il avait sorti là, derrière une compilation d'un manga japonais qui s'appelle Doro et Doro, un track qui fait 16 minutes. Mais bon, je passerai la prochaine fois. Et apparemment, donc, ils ont fait un truc sur Netflix de ce manga. Et donc, il a composé la bande son et waouh, c'était voilà, un truc assez fou. Donc on va terminer par nomenclature tranquillement avec un morceau qui s'appelle Endless Sunday, c'est pour ça que je voulais le mettre à la fin. Et puis on se retrouvera bientôt. Je vais mettre quand même le morceau de fin. Absolument. Oh, c'est la outro de DJ Metatron sur son album Loops of Infinity. C'est les regrets, c'est de ne pas avoir vu DJ Metatron en concert puisqu'il n'a jamais fait de concert. Et Dead Fader, je ne sais pas si un jour il en fera, puis c'est pareil, c'est un Allemand. Donc nomenclature, eux par contre, j'ai failli les voir, ils se produisaient au Bateau Phare il y a quelques années, puis là hop, ils sont ressortis. Alors, c'est un peu des anciens de la musique un peu électro. Alors eux, ils font de la deep techno et ils font aussi avec des synthés modulaires. Donc c'est un duo, ils s'appellent Olivier Brucker et Olivier Rossi. Et c'est sorti sur un label qui s'appelle This Be Recording en Allemagne. Peut-être qu'ils ont été attirés par la nomenclature, ça faisait vachement Allemagne de l'Est et tout. Voilà, le mois prochain, je ne savais pas quel label je vous présenterai, mais je pense que je sais pas, je verrai. qu'est-ce qui me tapera plus dans les oreilles. Bon, après, ça peut être un mélange de plein de petits labels où j'ai pas forcément une grande sélection. Mais on verra. Je sais pas. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas encore choisi. Et ben, bonne rentrée à tous. Courage. Gardez la foi. Soyez forts. Allez au bout de vos idées, de vos rêves. Un non n'est toujours pas un oui. Le consentement, qu'est-ce qu'on en parle à la télé en ce moment, hein, c'est dingue, hein. Bizarre. Ouais. Et voilà, 2023. Enfin, on y est presque à la fin. Nouvelle canicule lundi, buvez bien. Et au plaisir de se retrouver pour communier ensemble dans l'amour et la joie. Sincèrement, hein, moi je suis née à la Saint-Amour, donc je me suis incarnée un jour, précisément le 9, à la Saint-Amour, à 1h55, dans la nuit en plus. Je suis nocturne, moi, noctambule. Donc je vais arrêter de parler et je cale le morceau. Mais c'est bien de meubler quand on a un problème technique parce qu'on ne sait plus où il est le morceau. Mais si, bon, bah, je vais le retrouver. Allez, à la prochaine. Vraiment, hein. Oh là là. Et puis voilà, Endless Sunday de nomenclature. Youhou. Clic. Clic. Ah. fugue.